Réflexe, le bras. Où est la dope? J'en sais rien de quoi tu parles. Il n'y a rien à voir là-dedans. Arrête, Franck, arrête. Il n'y a rien à faire là-dedans, tu te J'en sais rien. Où est ma dope? Où est ma dope? J'en sais rien. Franck! Où est-ce qu'elle est? La cave est à Amsterdam. Arrête.